ne me mangeras pas. Tu ne me mangeras pas. Tu ne pourras jamais me cuisiner. Tu ne me mangeras pas. Tu ne me mangeras pas. Tu ne pourras jamais m'assaisonner. Tu crois, petite, que ta bouche est assez grande pour m'avaler. Tu crois, petite, que tes dents sont assez grandes pour me dévorer. Crois-moi, il en restera au fond de ton assiette. Et même si tu invites tous tes amis à la fête, tu t'imagines que je suis un homme de goût, quelqu'un de délicieux pour ton ragoût. Je ne souhaite pas jouer ce rôle-là. J'aurais trop peur de te faire du mal à l'estomac. Alors, tu ne me mangeras pas. Tu ne me mangeras pas. Tu ne pourras jamais me cuisiner. Tu ne me mangeras pas. Tu ne me mangeras pas. Jamais m'assaisonner. Tes rites cannibales, je ne les trouve pas très amusants. J'aimerais mieux que tu combles ta faim en m'embrassant. Tu m'effraies quand tu me dis que je vais passer à la casserole. Pour toi, cette expression n'a rien d'imagé, pauvre folle. Pourquoi t'acharnes-tu à vouloir m'aimer comme ça? Moi qui voudrais être pour toi plus qu'un bon repas. Si ton seul dessein est de me faire rôtir, alors regarde-moi bien, car dans un instant je vais m'enfuir. Et tu ne me reverras pas. Tu ne me reverras pas. Tu ne pourras jamais me déguster. Tu ne me reverras pas. Tu ne me reverras pas. Tu ne pourras jamais me goûter. Tu ne me reverras pas. Tu ne me mangeras pas. Tu ne pourras jamais en profiter.